mets des mots dans mon dos. Des chamallows, des fraises au sirop. Pour adoucir nos peines à ribot. T'as vu ou bacho sous la boca. Dimmi qualcosa che mi tocca. Uno chiolino à la vita. Io e te bella Lolita. Le pompon des manèges, faire des batailles de boules dans la neige, retrousser dans le noir tes jupons, et faire des petites rimes à la con. Tito ou bacho sous la boca, dico qualcosa che ti tocca, sono comme TNL la vita, on tue à tes dents Lolita. Viens balancer ton corps sur ma peau.